La bague noire par Pierre Zaccone. Un crime commis dans les circonstances les plus étranges vient de jeter la consternation dans le comté de Strafford. Miss Durham, nièce de l'attorney général de cette province, a été empoisonnée samedi dernier, au moment même où la célébration de son mariage avec le jeune George Clary avait réuni une nombreuse assemblée chez l'attorney. On se perd en conjectures sur les causes de ce crime, heureusement sans précédent dans les annales judiciaires de notre pays. P.S. Au moment de mettre sous presse, on nous informe que Miss Dudley, la fille d'un célèbre orateur du Parlement, vient d'être mise en état d'arrestation. Le rang de l'accusé, celui de la victime, nous impose les devoirs que nous saurons remplir. Nous nous abstiendrons donc provisoirement de tout commentaire, laissant à la justice le soin d'éclaircir le mystère qui enveloppe encore ce drame terrible. Cet article, qui parut il y a quelques années dans un numéro du Times, éveilla, dès qu'il fut connu, la curiosité de Londres et bientôt après celle de toute l'Angleterre. Ainsi que le faisait observer le journal, c'était un crime sans précédent dans les annales judiciaires, et tous ceux qui tenaient de près ou de loin, par les liens d'une amitié solide ou par ceux d'une parenté éloignée, à la famille de la victime ou à celle de l'accusé, se montrèrent profondément émus et affectés. Tout fut mis en jeu pour pénétrer le mystère qui dérobait encore les véritables motifs du crime. Il suffit, pendant plusieurs jours, d'arriver du comté de Strafford pour être entouré, questionné, écouté même. Au théâtre, dans les salons, au Parlement, on accueillit avidement toute nouvelle. Il y eut des paris, des rixes, des duels sérieux, et finalement, on dut se résigner à attendre l'ouverture des débats, les gens de justice étant après tout les seuls qui puissent donner complète satisfaction à l'émotion populaire. Cette affaire se présentait en effet enveloppée d'incidents bizarres de nature à dérouter les esprits les plus perspicaces. Il y avait 3 mois à peine que Mrs. Durham, la nièce de l'attorney général, se mourait d'une maladie de langueur. Le vif incarnat de ses joues s'était effacé peu à peu, ses beaux yeux d'un bleu céleste étaient tout à coup cernés d'un cercle noir, elle avait maigri, son regard était devenu terne, et malgré les soins dont son oncle et son cousin, John Durham, l'avaient entouré, les médecins assuraient que chaque jour lui enlevait un peu de sa force et que l'heure allait sonner où ceux qui l'avaient aimé n'auraient plus qu'à la pleurer. À la même époque, Juliette Dudley était fiancée à George Clary. Il y avait longtemps déjà que leur union était arrêtée. La jeune fille avait 16 ans et le jeune gentleman 25. Ils s'aimaient comme on aime à cet âge, c'est-à-dire avec tout l'enivrement d'un cœur pur et vierge. Juliette n'avait point d'autre rêve que George. George, point d'autre pensée que Juliette. Il s'était enfermé dans cet amour comme dans un doux nid et laissait, indifférent, le monde faire son tapage autour d'eux. Juliette était l'amie d'enfance de Miss Durham. Depuis sa maladie, elle quittait rarement son chevet. Elle lui parlait de George, racontait ses rêves de bonheur, disait son amour, ouvrait son cœur entier pour qu'elle y pût lire comme dans un chaste livre, et Jenny, la blonde et pâle malade, l'écoutait avec un regard fiévreux, serrant sa poitrine de ses mains moites, versant souvent d'abondantes larmes, comme si elle eût regretté de quitter un monde où des joies pareilles à celles de Juliette l'attendaient peut-être. Puis, un singulier incident vint tout à coup changer l'état des choses. C'était une nuit, sombre et pluvieuse. Le ciel était lourd, le tonnerre grondait au loin, déchirant de temps à autre le flanc noir des nuages. Le vent soufflait en tourbillon dans la plaine. La nature entière avait revêtu un aspect de désolation et de désordre profond. Jenny souffrait, étendue sur son lit. Juliette pleurait et priait agenouillée près d'elle. Jenny se mourait d'un mal inconnu. Les médecins l'avaient avoué. Encore quelques jours peut-être et c'était fait d'elle. Et cependant, elle avait 18 ans à peine et elle ne voulait pas mourir. Elle voulait vivre, vivre pour aimer et être aimée, qui sait. Tout à coup, elle se dressa sur son séant, les cheveux épars, la lèvre sèche, le sein ému, le hagard. Elle prit les 2 mains de Juliette et la regarda dans les yeux. « Tu souffres ?» s'écria Juliette épouvantée. Et comme elle ne reçut pas de réponse, « Je vais appeler, » ajouta-t-elle en faisant le mouvement de se lever. Jenny poussa un cri. « Non, reste » répondit-elle d'une voix rauque. « Reste, je le veux !» Et Juliette retomba à genoux. « Écoute !» poursuivit alors Jenny avec le même accent fébrile et saccadé. « Écoute !» Tu me parlais tout à l'heure de ton bonheur, tu me parlais de George et de son amour, tu me disais tes joies de jeune fille et tes rêves de fiancée. Eh bien, moi aussi, Juliette, j'ai fait un rêve. Toi? Oh, les belles promesses d'amour que le bonheur suspendait à ses lèvres. Il m'aimait, moi aussi, sais-tu cela? Chaque nuit, il venait près de moi, et à travers le silence, j'entendais sa voix, et à travers l'ombre, je voyais son regard, chaste vision que le jour faisait fuir, mais qui berçait mon sommeil et endormait ma douleur. « Juliette, tu étais bien cruelle. Que dis-tu ? Tu ne comprenais rien, ni toi, ni lui, mon Dieu. George ? Ah, qu'importe maintenant, puisque je vais mourir. Ce secret me tuait. Ben fois, il était près de m'échapper. Mais j'avais honte, je rougissais. Je ne pouvais pleurer. Et mon pauvre cœur se serrait. Et j'étouffais, Juliette. Je t'aimais tant que je n'osais te dire combien je souffrais. Ah, Dieu a bien fait de me rappeler à lui. » Et en parlant ainsi, Jenny s'affaissa sur elle-même et retomba sans mouvement sur son lit. Nul au dehors ne sut jamais le secret de cette nuit fatale, mais 2 mois après, George Clary devenait l'époux de Miss Jenny Durham. Que s'était-il donc passé entre Juliette et George à la suite de cette nuit où Jenny avait laissé échapper de son cœur le secret qu'elle y avait tenu caché si longtemps? Il s'était passé une chose fort simple. Juliette était allée trouver George et lui avait tout appris. Elle lui avait dit que son amour pouvait seul sauver Jenny, comme seul il avait pu la tuer, que désormais ils avaient la vie de Miss Durham dans leurs mains et que Dieu peut-être ne bénirait pas leur union si elle devait s'effectuer au prix des jours de leur ami. George se défendit d'abord avec énergie, avec désespoir. Il prétendit que Juliette ne l'avait jamais aimé ou qu'elle ne l'aimait plus puisqu'elle pouvait aussi facilement renoncer à un amour dont il avait fait lui le seul but de sa vie. Il déclara qu'à aucun prix il n'accepterait la mission qu'on voulait lui imposer, qu'il aimait mieux partir, se tuer même. Il pleura, se jeta éperdu aux genoux de Juliette, et malgré ses larmes et ses prières, il ne parvint pas à ébranler la résolution de la jeune fille. « Je vous aime, » répondit Juliette avec calme, « vous êtes mon premier, mon seul amour. J'ai grandi dans l'espoir de devenir un jour votre femme, et jamais, quoi qu'il arrive, je n'aurai d'autre époux que vous. Ce n'est pas, croyez-le bien, sans un profond déchirement, que je renonce au bonheur que je m'étais promis. Mais ce sacrifice est résolu. C'est un douloureux devoir que nous accomplirons l'un et l'autre, et soyez certain, mon ami, que Dieu nous bénira. » « Mais c'est notre malheur à tous deux, » s'écria George. « Qu'importe si nous sauvons Jenny. Mais j'en mourrai peut-être. » Juliette comprima de sa main les battements précipités de son cœur. « Non, George, » répondit-elle d'une voix émue, « non, vous vivrez. Pour moi qui vous aime et qui ne veux pas que vous mouriez. » Il avait fallu céder devant une résolution si ferme, et après bien des débats, bien des hésitations, bien des refus, George se résigna. Cette détermination fut, comme on le pense bien, très diversement interprétée, et elle devint le texte de toutes les conversations de Strafford. On ne pouvait croire à tant de désintéressement de la part d'une jeune fille, et l'on chercha la résignation de George des motifs qui étaient peu faits pour le toucher. Aussi, quand la mort violente de Miss Jenny vint jeter l'épouvante et la consternation dans la ville, la malveillance ne manqua pas d'aliment. Toutes les prédictions se trouvaient vérifiées et il n'y eut pas une voix qui ne s'éleva à ce moment pour accuser l'infortunée Juliette. Seul George cherche à la défendre, sans pouvoir parvenir à convaincre les personnes les moins indignées. Il savait bien, lui, quel trésor de pureté et de candeur Juliette cachait dans son cœur, mais c'est vainement qu'il tentait de faire partager sa conviction. Quelques femmes eurent même le triste courage d'accueillir par un sourire ironique et presque accusateur les tentatives qu'il fit dans le but de ramener l'opinion publique. C'est qu'aussi les charges qui pesaient sur Juliette étaient sérieuses et graves. La pauvre enfant avait voulu accomplir sa mission jusqu'au bout. Elle n'avait pas quitté les 2 fiancés, et au sortir de la bénédiction nuptiale, elle les avait accompagnés jusqu'à la demeure de la tournée générale. Il y avait là un grand concours de curieux, d'amis, de parents. Cette union avait fait grand bruit. On tenait à voir comment Juliette soutiendrait cette terrible et cruelle épreuve. Les salons de la tournée regorgeaient de monde. La foule était compacte, la chaleur excessive. Jenny, Juliette et George marchaient l'un à côté de l'autre. Jenny radieuse comme une belle et jeune épousée, Juliette très pâle, George très soucieux. Tout à coup, Jenny pâlit. L'émotion, la joie, la chaleur avaient vaincu la force factice qui l'avait soutenue jusque-là. Elle poussa un cri, demanda de l'air et tomba évanouie dans les bras de George et de Juliette. Il y eut alors un mouvement dans toute cette foule. Chacun s'étonna, s'effraya, voulut voir, mais Juliette était déjà partie, prompte comme l'éclair, et 2 secondes après, elle revenait tenant un verre d'eau à la main. Ce verre d'eau, où l'avait-elle pris? Qui le lui avait donné? Comment se l'était-elle procuré? Là commençait le mystère. Toujours est-il que Jenny eut à peine trempé sa lèvre à ce verre fatal, qu'elle devint encore plus pâle, que le sang cessa de circuler dans ses veines, qu'elle roidit ses membres et se laissa glisser sur le parquet. Elle était morte, morte empoisonnée. Qui pourrait dire la douleur de Juliette, la stupeur de George, l'émotion de tous? Ce fut un spectacle sans exemple. On courait, on criait, les hommes pâlissaient, les femmes se contentaient de s'évanouir. Puis le premier moment de stupéfaction passé, on s'interrogea. Une rumeur sourde parcourut l'assemblée. Des murmures s'élevèrent. On se demanda tout bas d'abord, bientôt à haute voix, quel pouvait être le coupable. Le nom de Juliette vint naturellement sur toutes les lèvres. Juliette était là, agenouillée auprès du cadavre de Jenny, courbée sous le poids d'une épouvante inouïe, regardant sans voir, écoutant sans entendre. Elle n'avait plus la conscience de ce qui se passait à ses côtés, elle ne pouvait même pas pleurer. On fut sans pitié. Il n'eut pas assez de colère ni assez d'indignation pour la flétrir, et chacun crut accomplir un devoir en la désignant à la sévérité de la justice. Le soir même, Juliette était arrêtée et jetée en prison. Quand George eut acquis la triste conviction que rien ne pouvait sauver l'accusé, que l'opinion lui était généralement contraire, que les juges eux-mêmes, presque tous amis de Latournay, n'avaient pas déguisé leurs sentiments à cet égard, il prit la résolution de partir pour Londres, d'y faire un appel aux sympathies puissantes de sa famille, et si cette démarche devenait nécessaire, d'aller même se jeter aux pieds du roi pour implorer sa clémence. George s'était repris à aimer Juliette avec un fol aveuglement. Il savait bien, lui, qu'elle ne pouvait pas être coupable. Il n'avait jamais cessé de l'aimer. C'était pour lui complaire qu'il avait consenti à ce fatal hymen, et ne l'eût-il pas aimé d'ailleurs, qu'il eût trouvé dans son caractère naturellement généreux et chevaleresque des motifs suffisants pour prendre sa défense, fût-ce même aux dépens de son propre honneur. Il avait pu pénétrer à plusieurs reprises auprès de Juliette. 20 fois il s'était fait répéter dans tous ses détails le récit de l'événement. Mais tout était fatal et mystérieux comme dans le plus sombre drame. Juliette se rappelait d'ailleurs fort imparfaitement. Elle se souvenait que Jenny s'était évanouie, mais tout était confus dans sa mémoire à partir de ce moment. Elle avait comme un vague souvenir d'un homme qu'elle disait avoir rencontré dans l'office. Cet homme lui avait présenté un verre d'eau qu'elle avait pris, mais elle n'avait point vu ses traits et elle n'eût pu dire s'il était jeune ou vieux. Un long manteau brun tombait de ses épaules, un large chapeau couvrait son front. Seulement, à la main qui lui présentait le verre, elle avait cru voir une bague ornée d'une agate noire. Ce souvenir était aussi confus que le reste. Son imagination, épouvantée, avait peut-être inventé ce fantôme après coup. Elle n'osait l'affirmer et n'avait voulu en rien dire dans les différents interrogatoires qu'elle avait subis. George avait remué toute la maison de Latournay sur ses faibles indices. Il avait interrogé tous les serviteurs. Mais ses tentatives furent vaines. Nul ne se rappelait ou nul ne voulait se rappeler. Son courage se brisait contre l'ignorance ou la mauvaise volonté, et comme il ne voulait pas laisser mourir Juliette, au moins sans la réhabiliter, il résolut de partir pour obtenir sa grâce ou gagner du temps. Les adieux des deux amants furent déchirants. On eût dit qu'ils se quittaient pour toujours et qu'ils ne devaient plus se revoir. « Je ne sais, » disait Juliette, « quel cruel pressentiment m'attriste à cette heure. Mais vous partez, George. Je vais être bien seul. »« Je reviendrai bientôt, » répondit George, « et je reviendrai pour vous sauver. » Juliette fit un pâle et triste sourire, puis elle prit la main de George dans les siennes et la serra avec une tendre et douloureuse émotion. « George, » dit-elle d'un accent presque solennel, « cette heure est peut-être la dernière que nous passons ensemble. Vous allez partir, et je ne vous reverrai peut-être plus sur cette terre. Eh bien, je vais vous dire à cette heure tout ce qu'il y avait dans mon cœur de sainte et pure affection pour vous. C'est vous que j'avais choisi. C'est vous seul que j'eusse aimé. J'ai bien souffert. Je vous avais imposé un sacrifice au-dessus de mes forces. Je serais morte, sans doute, morte de jalousie et d'amour. Oh, si vous saviez comme j'ai pleuré. Tenez, j'aimais Jenny comme une sœur. Du fond du cœur, je vous remerciais de lui avoir rendu la vie et la joie. Et cependant, George, il y a eu dans ma vie, durant ces derniers mois, des heures funestes, où ma pensée s'imprégnait de regrets amers, où mon amour se révoltait, où je vous en ai voulu, pour la facilité avec laquelle vous accomplissiez la mission que je vous avais imposée. « Pauvre Juliette, » murmura George. « J'étais folle, et je m'en accuse, mais je vous avais tant aimé. C'était mon rêve de jeune fille, mon avenir, ma vie tout entière. Je puis bien vous le dire aujourd'hui que nous allons nous séparer. En dehors de cet amour, il n'y avait rien au monde, rien que Dieu. Nous avons eu le tort de ne pas nous enfermer dans notre amour égoïste. Nous eussions défié nos plus mortels ennemis. Oh, mes beaux rêves! mes chastes illusions. Pourquoi vous êtes-vous enfui si vite? Pourquoi faut-il que tout soit fini déjà quand nous naissions à peine à la vie? Pauvre Jenny, elle sait maintenant tout ce que son bonheur nous a coûté. C'était tenter Dieu, et il nous a punis. Et voilà qu'il faut mourir à présent, mourir quand tant d'espoir il est encore dans nos cœurs. Juliette, interrompit George, n'attristons pas ces adieux par d'aussi cruelles paroles. Vous vivrez d'ailleurs, j'en ai le pressentiment, moi, vous vivrez, pour le monde qui vous calomnie aujourd'hui, pour moi qui n'ai jamais cessé de vous aimer. Je voudrais espérer comme vous. À bientôt, Juliette. Adieu, George. Oh, je vous reverrai. Ne tardez pas alors. George serra la jeune fille contre son cœur, dans une dernière et suprême étreinte, et sortit de la prison, l'âme navrée, la tête en feu, l'esprit bouleversé. Malgré l'assurance dont il faisait montre, George était loin d'être aussi rassuré qu'il le voulait paraître. Comme il sortait de la prison de Juliette, il rencontra John Durham, le fils de la Tournay et le cousin de la victime. John se précipita vers George. « Je vous attendais, » lui dit-il vivement. « Et pourquoi cela ?» demanda George, étonné de l'altération des traits de son interlocuteur. « Je sors de chez la Tournay. Eh bien, Juliette est perdue. Que dites-vous ? Je dis, George, qu'on a découvert de nouvelles preuves accablantes, que l'irritation des juges s'en est accrue, qu'enfin Juliette sera condamnée à la peine de mort. Est-ce possible ? J'en suis certain. Mais Juliette est innocente. Je le crois comme vous. » Il y a là un mystère, une énigme terrible dont la justice doit trouver le mot à tout prix. Elle l'a cherché en vain. Eh bien, John, moi, je le trouverai. Et comment ? Je ne sais encore. Mais dans une heure, je serai sur la route de Londres. À Londres, ma famille a des amis puissants. Je solliciterai un sursis, j'obtiendrai du temps, et je jure Dieu qu'avant un mois de recherche, j'aurai découvert le véritable coupable. » John serra avec effusion les mains de son ami. « George, lui dit-il d'une voix profondément émue, vous savez avec quelle douleur j'ai pleuré notre pauvre Jenny, qu'un crime mystérieux nous a enlevés. Je n'oublierai jamais l'amitié qui m'unissait à elle, et je ferai tout, moi aussi, pour découvrir le coupable et le livrer à la justice. La mission dont vous vous êtes chargé est noble et généreuse. J'en comprends la grandeur, et je veux la partager. Dites, George, voulez-vous de moi pour compagnon de voyage ? Vous ? Fit George, surpris. En combinant nos efforts, nous arriverons peut-être plus vite au but. Vous avez des amis à Londres, j'en ai moi-même beaucoup. Nous intéresserons à Juliette mes parents et les vôtres. Nous sommes deux, enfin, et qui sait ? Les obstacles que vous ne pourrez surmonter, moi, je les vaincrai peut-être. George était loin de s'attendre à une pareille proposition, mais il l'accepta avec enthousiasme. Il avait peu fréquenté jusqu'alors le fils de la Tournay générale, mais il savait avec quelle sainte douleur il avait pleuré Jenny, avec quelle ardeur il avait toujours défendu Juliette. La proposition qu'il venait de lui faire était une nouvelle preuve de son dévouement, et il en fut bien sincèrement reconnaissant. Un quart d'heure plus tard, ils brûlaient donc tous les deux la route de Londres, et dès le lendemain matin, ils arrivaient dans la capitale de l'Angleterre. Ce que George allait demander aux amis de sa famille n'était pas de nature à être facilement accordé. La mort de Miss Jenny Durham avait eu un retentissement immense dans les trois royaumes. C'était avec une espèce de fièvre que chacun entendait l'ouverture des débats. On savait que des charges accablantes s'élevaient contre Juliette, les preuves s'accumulaient, et l'opinion publique l'avait déjà condamnée. George n'eut pas lieu de se féliciter du résultat de ses premières démarches, et il vit bien que Juliette avait eu raison de douter et de craindre. On l'accueillit d'abord avec froideur, puis avec réserve. On lui fit comprendre que la jeune fille qu'il voulait sauver n'était peut-être pas digne de son intérêt. On trouva qu'il avait bien vite oublié Miss Jenny Durham, qu'à la rigueur, la justice avait quelque droit de s'étonner de l'insistance qu'il apportait à défendre Juliette, qu'enfin, il eût été plus convenable, sinon plus prudent, de s'abstenir de toute démarche à cette heure où la tombe de Jenny venait à peine de se fermer. George se sentit douloureusement affecté de cet accueil. Dans son ardeur de dévouement et d'amour, il n'avait vu qu'une victime à sauver. Il ne pensait pas qu'on lui reprocherait comme une sorte de complicité cet intérêt que lui inspiraient les malheurs de Juliette. Il eut des heures de doute, de cruel désespoir, et peut-être aurait-il tout abandonné, s'il n'avait trouvé dans son compagnon de voyage une confiance qui survivait à toutes les déceptions, une énergie qu'aucun obstacle ne pouvait abattre ni même ébranler. John était froid et impassible. Il soutenait le courage de George et se multipliait lui-même pour le supplier. « Ne nous laissons pas faiblir, » lui disait-il souvent. « La cause de Juliette est bonne, nous la sauverons. » « Je commence à en douter, » répondait George. « Et si je n'écoutais que mon cœur, je partirais à l'instant même pour Stratford. Gardez-vous-en bien, ce serait tout perdre. Qui sait s'ils ne l'ont pas déjà condamné? C'est impossible. Ah, ils ont bien osé la croire coupable. » C'est au milieu de ces alternatives que George passa les premiers temps de son séjour à Londres. Chaque jour, on lui apportait des nouvelles de Stratford. Il était tenu au courant de la marche des poursuites, rien ne lui était caché, et d'heure en heure, la condamnation de Juliette prenait des proportions de probabilité effrayantes. Un soir, il y avait 8 jours que George se trouvait à Londres, il était seul à l'hôtel, John n'était pas encore rentré. George songeait. Depuis 2 jours, il était sans nouvelles de Stratford. Aucune lettre, aucun express n'était venu. Une inquiétude sourde le mordait au cœur et 20 fois, il avait eu sur le point de faire seller un cheval et de partir. À 7 heures, l'ombre montait lentement de la rue, tout bruit se taisait, 1000 feux s'allumaient çà et là. George laissa tomber sa tête dans ses mains et se prit à rêver. Il était là, de tant d'émotions, de tant d'espoirs trompés, de tant de luttes vaines. Son cœur était brisé, il avait besoin de repos, de confiance, d'amour. Il se rappela son passé si bien rempli, son enfance heureuse, passée près de Juliette, les projets insensés et charmants que l'on fait à deux, le soir, à la douce clarté des étoiles, loin des hommes, sous le regard de Dieu. Pauvre Juliette. Il l'avait tant aimée, il l'aimait tant encore, maintenant surtout que tout semblait l'abandonner. Il se sentait tant de pitié au cœur pour ses douloureuses infortunes, que bien souvent d'amers soupirs remplissaient sa poitrine, et que des larmes abondantes coulaient le long de ses joues. Juliette, coupable, qui donc pouvait croire un pareil crime? Comment percer ce sombre voile, ce mystère impénétrable qui enveloppait la redoutable catastrophe? Quel était cet homme dont Juliette avait parlé, cet homme au long manteau, au chapeau à large bord, et sur la main duquel brillait une bague noire? L'esprit de Georges flottait irrésolu entre 1000 suppositions pour ne s'arrêter à aucune. Il eût donné 20 années de sa vie heureuse pour trouver le mot de cette énigme terrible. Comme il en était là de ses réflexions, 2 coups retentirent à la porte. Il se leva et alla ouvrir. Mais à peine eut-il aperçu celui qui entrait, qu'il poussa un cri et recula plein de terreur. C'était un serviteur dévoué qu'il avait laissé à Stratford. Cet homme était pâle, ses cheveux flottaient en désordre, ses vêtements étaient couverts de poussière. « Bob ! » s'écria George. « Qu'y a-t-il ? Que viens-tu m'apprendre ?»« Tout est fini, » répondit Bob. « Juliette, condamnée à mort !» George serra les poings avec colère et frappa du pied. « Et je n'ai rien su, » murmura-t-il. « Et l'on ne m'a rien fait savoir. Voilà 2 jours que j'attends et que j'espère. »« 2 jours, dites-vous, votre honneur ?» interrompit Bob. « Sans doute. Cependant, les express vont être envoyés hier et avant-hier. C'est impossible, j'en suis sûr. Ils ont été détournés alors, corrompus, j'ai été trahi. » Et comme si, pour la première fois, un soupçon eût traversé son esprit, George s'élança ardent vers le valet. « Voyons, Bob, lui dit-il à voix rapide, es-tu sûr de ce que tu avances ? Parfaitement sûr. Et les hommes que tu as envoyés, tu les connais ? Oui, votre honneur. Ils sont partis de Stratford, tous les deux. C'est bien. Bah, fais-moi préparer un cheval à l'instant, que dans quelques minutes je puisse partir. Cela sera fait. » Comme Bob sortait, John Durham entra. George courut à lui. « Mon ami, savez-vous ce qui arrive ? Je le sais, répondit John. Juliette est condamnée. On vient de me l'apprendre. Il faut partir. J'ai fait préparer des chevaux qui nous attendent. Oh, merci, merci. » Et George serra les mains de son ami. Le fils de Latournelle était fort pâle aussi. Son regard avait des lueurs fauves. Il alla vers sa chambre et en revint presque aussitôt, enveloppé d'un long manteau, le front caché dans un chapeau à large bord. Il s'arrêta sur le seuil de la porte. « Partons-nous ? » dit-il à George. Ce dernier releva le front et frissonna. On eût dit que le fantôme évoqué naguère par Juliette venait tout à coup de se dresser devant lui. Son regard s'alluma d'une flamme singulière. « Qu'avez-vous donc ? » fit son interlocuteur en essayant de sourire et en détournant les yeux. « Rien, » répondit George brusquement. Il se rapprocha de lui. Et à mesure qu'il avançait, le soupçon grandissait dans son esprit et il se sentait investir par une terreur glaciale. Il prit la main de John. À cette main, il y avait une bague. « John !» lui dit-il avec une profonde émotion, qu'il avait mis de la peine à contenir. « Vous avez été bon et dévoué pour Juliette. Vous m'avez aidé de vos conseils. Vous m'avez soutenu de votre courage. À ce moment solennel, c'est du fond du cœur que je vous dis merci. » Et tout en parlant, il éleva la main de John à portée de son regard. « La bague était ornée d'une agate noire. » Un nuage passa devant ses yeux. Une pâleur mortelle se répandit sur ses traits. Il fut sur le point de tomber à la renverse. Toutefois, les moments étaient précieux. Il fallait se hâter. George retrouva tout à coup ses forces près de l'abandonné. Le sang se reprit à circuler, brûlant dans ses veines. Ses joues se colorèrent de nouveau et d'ardentes étincelles jaillirent de son regard. « John, » dit-il d'une voix éclatante, « où donc étiez-vous le jour où Miss Jenny Durham fut empoisonnée ?»« Moi ?» fit John, troublé. « Répondez. » « Pourquoi cette question ?»« Répondez, vous dis-je. » Et comme le fils de la tournait, que la crainte, le remords aussi peut-être, troublait profondément, ne trouvait pas une parole à répondre. « John, » poursuivit-il, « vous êtes le plus vil et le plus misérable des hommes. George ! Mais grâce au ciel, le jour s'est fait. La lumière est descendue dans les ténèbres, et je puis, à la face du ciel, devant les hommes et devant Dieu, vous dénoncer à la justice. » Sur ces mots, George se tourna vers la porte où l'attendait Bob, mais au moment où il allait disparaître, un coup de feu retentit et il tomba entre les bras de son serviteur. Pendant que ces faits se passaient à Londres, Juliette pleurait dans sa prison, attendant vainement le retour de George qu'elle n'espérait plus revoir. Les heures s'écoulaient, lentes, monotones, sans rien changer à sa position désespérée. Elle avait subi toutes les hontes, tous les outrages. Les juges s'étaient montrés impitoyables. Ils n'avaient été touchés ni par ses larmes, ni par sa jeunesse, ni par la candeur qui éclatait sur son front. Ils l'avaient condamnée. Un jour encore, elle allait mourir de la mort ignominieuse des criminels. Tout était fini. Les derniers liens qui la retenaient à la vie allaient se rompre et elle quitterait ce monde sans avoir eu même la consolation de revoir George. George, son amour, George, le seul rêve qu'elle eût versé dans son cœur chaste et pur. Tout à coup, des pas retentirent dans le sombre corridor qui menait à son cachot. La porte s'ouvrit et un huissier entra. On venait la chercher pour la conduire dans le cabinet de la Tournay. La Tournay était seule quand elle arriva. Il la fit approcher et renvoya ceux qui l'avaient amenée. Juliette était tremblante et cependant, elle regarda son juge sans pâlir. « Mon enfant, » dit la Tournay d'un ton presque paternel et doux, « il y a 2 jours, vous avez été condamné et demain, dès l'aube, la terrible sentence recevra son exécution. En présence du malheur qui frappe votre famille, je me suis rappelé les liens qui m'unissaient à elle et sans transiger avec mes devoirs de magistrat, j'ai voulu vous offrir les moyens de vous soustraire à la honte d'une exécution capitale. » Juliette frémit et baissa les yeux. « Quel moyen ? » balbutia-t-elle d'une voix mourante. « Le poison. Un suicide ? » ?»« Un suicide réhabilite quelquefois. En apprenant comment vous vous êtes puni vous-même, le monde absoudra peut-être votre mémoire. » Juliette releva le front et un sourire ironique effleura ses lèvres pâles. « Votre proposition est cruelle, monsieur, » répondit-elle avec effort, « et je ne puis l'accepter. Oh, ne croyez pas que la mort m'effraie. Après les outrages dont on m'a abreuvé, je n'espère plus rien des hommes et j'attends la mort avec confiance. Mais un suicide aurait pour effet de confirmer les accusations qui s'élèvent contre moi et je le repousse de toutes mes forces. Ainsi, vous persistez dans vos dénégations. Je suis innocente, monsieur. Soit. On va vous reconduire dans votre prison, mais Dieu m'est témoin que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous épargner la honte du supplice qui se prépare. Ah, Dieu vous épargne à vous-même, monsieur, les terribles épreuves que vous m'avez fait subir. En ce moment, et comme les soldats s'apprêtaient déjà à ramener Juliette, un grand bruit s'éleva de la cour de l'hôtel et un homme s'élança effaré à travers la foule accourue. C'était John Durham. « Où conduisez-vous cette femme ? » demanda-t-il vivement en désignant Juliette du regard. « En prison, » répondit l'huissier. « Eh bien, attendez-la quelques secondes, monsieur, car cette femme est innocente et je viens livrer moi-même le vrai coupable à la justice. » Et laissant l'huissier abasourdi et Juliette interdite, il passa outre et se précipita dans le cabinet où l'attendait déjà la Tournay. « Mon père, » dit-il alors en s'agenouillant devant ce dernier, « je viens, avant de mourir, implorer votre pardon. »« Mon pardon ?» fit la Tournay étonnée. « Juliette est innocente. Que dites-vous ? Et le coupable, mon père, le coupable ? Achevé, il est à vos pieds. » La Tournay se leva, effarée et comme frappée d'épouvante. « Vous, John ? » s'écria-t-il. « Vous, l'empoisonneur de Miss Jenny Durham ? « Pour l'honneur de notre famille, monsieur, je veux bien croire que vous devenez fou. »« Mon père, » répondit John en baissant la tête, « il me reste peu d'instants à vivre. »« Relevez-vous. Le poison me brûle la poitrine. »« Relevez-vous, vous dis-je. »« Milord, mourrai-je au moins dans les bras d'un père ?» La Tournay était debout, le regard fixe, les bras pendants, pâle d'une pâleur de marbre. Il n'entendait rien, ne voyait rien, il avait tout oublié, il ne se rappelait plus. On eût dit qu'il avait été tout à coup changé en statue, la statue de l'épouvante. Toutefois, quand le dernier appel de son fils parvint jusqu'à son cœur, quand il entendit enfin cette voix déchirante qui lui criait merci, et qu'il aperçut sur son visage contracté les premiers symptômes d'une mort violente et prochaine, il se fit en lui un déchirement solennel. La froideur du magistrat fondit sous la tendresse du père. Il poussa un cri de douleur et ouvrit ses bras dans lesquels son fils vint aussitôt cacher sa honte et ses remords. Un quart d'heure plus tard, John rendait le dernier soupir, après avoir fait l'aveu complet de son crime. Il aimait Jenny. Il avait vécu jusqu'alors dans l'espoir qu'elle deviendrait sa femme un jour. Il ne put, sans désespoir, la voir passer au bras d'un autre, et la jalousie le poussa au crime. Le hasard l'avait merveilleusement servi. Tous les soupçons s'étaient portés sur Juliette, et il n'avait même pas eu besoin de se défendre lui-même. Nul ne songeait à l'accuser. Il semblait à tous si naturel que le crime eût été commis par Juliette. Ce dénouement auquel on était loin de s'attendre fit encore peut-être plus d'impression que n'en avait produit l'arrestation de Juliette. Il y eut une réaction complète, et la pauvre fille calomniée devint l'objet d'ovations sans exemple. On la suivait dans les rues, les attroupements stationnèrent pendant plus d'un mois à la porte de son hôtel. On composa même une pièce dans le genre de la pivoleuse, où tous les incidents du crime étaient fidèlement reproduits. Et je ne sais quel entrepreneur d'Amérique fit proposer à Juliette $300,000 pour jouer un rôle sur le théâtre de New York. Juliette eut beaucoup de peine à se soustraire aux manifestations des sympathies populaires. Elle quitta enfin Stratford, passa incognito à Londres et alla se réfugier dans un charmant petit cottage qu'elle habita pendant bien des années avec George. Ils étaient mariés, ils s'aimaient, ils furent heureux. Le ciel leur devait bien cette récompense après tant d'épreuves si courageusement supportées. Ainsi s'achève La bague noire, par Pierre Zaccone.